Landry fut, je ne sais comment, émotionné de la manière dont la petite Fadette parlait humblement et tranquillement de sa laideur. « Mais Fadette, tu n'es pas si vilaine que tu le crois, ou que tu veux bien le dire. Dame, qu'est-ce qui sait comment tu serais si tu étais habillée et coiffée comme les autres? Il n'y a pas une paire d'yeux comme les tiens, et si tu n'avais point de regard si hardi et si moqueur, on aimerait à être bien vu de ces yeux-là. Mes yeux voient bien ce qui est bon, dit-elle, et en pitié ce qui ne l'est pas. Pour moi, si j'étais belle, je ne voudrais le paraître et me rendre aimable qu'à celui qui me conviendrait. » Landry pensa à la Madelon, mais la petite Fadette ne le laissa pas sur cette idée-là. Elle continua de parler comme s'ensuit. « Voilà donc, Landry, tout mon tort envers les autres, c'est de ne point chercher à quêter leur pitié ou leur indulgence pour ma laideur. Depuis l'âge de 10 ans, je suis abandonné sans amour ni merci de personne. Je sais bien le reproche qu'on me fait, et tu as eu la charité de me l'épargner. On dit que j'ai 16 ans et que je pourrais bien me louer, qu'alors j'aurai des gages et le moyen de m'entretenir, mais que l'amour de la paresse et du vagabondage me retiennent près de ma grand-mère, qui ne m'aime pourtant guère et qui a bien le moyen de prendre une servante. Eh bien, Fadette, n'est-ce point la vérité? Moi, j'aime ma grand-mère, encore qu'elle me ridoie et me prie beaucoup. Mais j'ai une autre raison pour ne pas la quitter, et je te la dirai si tu veux, Landry. Eh bien, dis-la donc, répondit Landry, qui ne se fatiguait point d'écouter la Fadette. C'est, dit-elle, que ma mère m'a laissé sur les bras, alors que je n'avais encore que 10 ans, un pauvre enfant bien laid, aussi laid que moi, et encore plus disgracié, pour ce qu'il est, éclopé de naissance, chétif, maladif. Et tout le monde le tracasse, le repousse et l'avilit, mon pauvre Sotério. Il a fait une faute. Il a couru se cacher dans mes jupons, il me dit. Bats-moi, avant que ma grand-mère ne me prenne. Et moi, je le bats, pour rire. Enfin, je le conserve à l'envie, à la vie, ce mal ingré, qui sans moi serait bien malheureux, et bientôt dans la terre, à côté de notre pauvre père, que je n'ai pas pu empêcher de mourir. Je ne sais pas si je lui rends service en le faisant vivre, tortueux et malplaisant comme il est. Mais c'est plus fort que moi, Landry. Et quand je songe à prendre du service pour avoir quelque argent à moi et me retirer de la misère où je suis, mon cœur se fend de pitié et me fait reproche, comme si j'étais la mère de mon Sotério et comme si je le voyais périr par ma faute. Voilà tous mes torts et mes manquements, Landry. À présent, que le bon Dieu me juge. Moi, je pardonne à ceux qui me méconnaissent.